Mesdames et messieurs, je demande une innovation pour Fulangengemze Papa. Si vous l'attendez avec beaucoup d'impatience, j'aimerais bien que vous scandiez son nom avec moi. Voici Papa! Applaudissez Papa! En effet, c'est avec un cœur inondé de joie que je voudrais que vous applaudissiez les filles qui accompagnent papa, celles qui marquent les régimes nouveaux. Voici à côté de papa Wemba, les Fioti Fioti. Applaudissez fort car il y aura de l'électricité dans l'air. Les Fioti Fioti, pour vous.